frappe à la porte. C'est le destin qui s'acharne sur nous. Chaque jour nouveau qui vient nous apporte d'autres tourments qui nous rendent plus courts. Il est sur nous, il est là, il nous guette. Il nous étreint, il nous vient, il nous prend. Il faut surtout ne pas perdre la tête et puis se dire doucement. Ça passera comme le reste, faut pas s'en faire pour ça. Y'a qu'à faire un petit geste, après on n'y pense pas. Il ne faut pas s'en faire, le bon temps reviendra. Oublions nos misères, tout s'arrange ici-bas. C'était un homme aux grands yeux tristes et sombres. Il m'adorait, j'étais folle de lui. Mais il était jaloux, même son ombre le rendait fou lorsque venait la nuit. Il avait peur qu'un jour je ne me lasse et que je parte avec un autre amant. Alors pour que son grand chagrin s'efface, je lui disais doucement. Ça passera comme le reste, faut pas t'en faire pour ça. T'as qu'à faire un petit geste, après t'y penseras pas. Il ne faut pas t'en faire, prends-moi entre tes bras. T'oublieras tes misères, tout s'arrange ici-bas. Nous nous aimions comme dans les poèmes, et nous passions nos jours à nous le dire. C'est pour toujours, mon chéri, que je t'aime. Et nos baisers ne voulaient pas finir. Il est parti en portant mes rêves. Je n'ai plus rien, ni ses yeux, ni ses bras. Je n'ai plus que des pensées dont on crève. Alors je me dis tout bas. C'est pas m'en faire pour ça, j'ai qu'à faire un petit geste, après j'y penserai pas. Je ne veux pas m'en faire, peut-être qu'un autre viendra. J'oublierai mes misères, tout s'arrange ici-bas. Oh, geez.